ouvre la première paupière après 10 heures de sommeil. Avec BG et son synthétiseur dans l'oreille droite, encore un parfum forêt groseille. Je bois une gorgée d'eau fraîche et jette un œil dehors pour voir si le soleil tape. Je fais d'emblée le mauvais choix. Le personnel roulé se brûle et saoulé, je retombe sous les draps pendant que l'épaisse fumée recule. Je suis un scientifique en air, me poussez pas. Je vous prépare une boule de fraise avec une perle de chantilly en plus et j'avance bille en tête, en partie agile, même en chill en ferme. Je réagis rapidement pour satisfaire la clientèle. Reste attentif à mes récidives, tout est prévisible, on parle de chiller. Jouer, doubler ses conquêtes féminines, j'élimine à part un mes rendez-vous, me la joue solitaire. Je termine mon couplet sur une douille et file sous la douche vite fait. C'est le mystère du jeune en face d'être adulte. Je veux damer un truc, cramer un père, jamais rien faire mais gagner de la thune. Rap style, ambiance café, crème sofa. J'gratte skin, passe par la tête et l'osophage. Et j'm'active, toujours au dernier moment. Cherche la tactique pour faire décoller mon canapé volant. J'suis bon qu'à chill et relax, pour mettre les choses au lendemain. J'ai fait le tour de toutes les soirées sponsorisées Vinas. J'reste au ralenti, j'attends que ça tourne. À l'aube matinale, veux qu'on me laisse aller rider sur un transat. Samedi HS, l'après-midi, en fait une journée en vain. Et à FIFA, j'laisse le replay de mon dernier but tourné sans fin. L'ange imbranché nous procure des perles auditives brutes. On se pète au fil des verres de whisky, des bédos qui circulent. Et j'discutais de la gloire, on m'a dit peut-être que oui. Aussi sur des shows avec des tubes de pento. Pratique le head fucking, le stress, le bruit m'agace pas. Sans la vale de qui que ce soit dans la salle. Avec ma plaque d'ambassadeur, j'trace, nage dans la vapeur opaque. J'imagine vite fait l'été, l'inactivité cérébrale prend la place de nos actes. On gagne pas tous la médaille d'or, c'est mort. On n'a pas tous la méga forme et mate la pelouse d'un air absorbe. Et se gratte les couilles des bières à portée de main. Mate les ouzes, le débat de sourds consiste à se demander laquelle se laissera botter le train. J'ai chaud, j'ai faim, c'est la vie de chat. Boutir, balade sur le boom, tchak, à vous, c'est rare, c'est trac, doté d'une race. Les voisins gueulent, pas un seul d'entre eux ne s'exprime dans ma langue. Non pas qu'ils viennent d'ailleurs, leur voix sonne dans les murs de ma chambre. Va falloir se vider la tête, effriter, quitter la pièce, s'habiller et réfléchir à une procédure de vacances. Les voisins gueulent, pas un seul d'entre eux ne s'exprime dans ma langue. Non pas qu'ils viennent d'ailleurs, leur voix sonne dans les murs de ma chambre. Va falloir se vider la tête, effriter, quitter la pièce, s'habiller et réfléchir à une procédure de vacances. La boucle est smooth, je flaire les plus belles allégories. Je veux voyager dans la soute sans un sou jusqu'en Nouvelle-Calédonie. Aller-retour relax, laisser le doute se barrer. Je viens pour te parler de tout ce trajet car la route est de taille. Mais nique, j'ai le soleil pour me satisfaire. T'as vite fait de t'enfermer, donc autant cerner tout le planisphère. La vie se mène en sirotant sa petite bière en apéritif. Finira à l'épicerie, laisser sa carte à l'appart en cas de récidive. On verra demain pour Pôle emploi, pas de place. Face au monde, on part devant pour guetter comment ça se passe. L'asphalte nous emprisonne, j'en frissonne. À qui la faute, le portique du franc prisonne, j'ambitionne de teaser gratos. Les fidèles assos m'aident, me soutiennent dans ma démarche. Je peux les citer, des flemmards de l'ENA et des marches de l'Elysée. T'as tout dit, faut parcourir les richesses du globe. Ramener des tonnes de mystères, qui sait de l'or même si c'est du toc. Le rap m'a donné ma chance et un jour je suis parti à Montréal. Moi qui depuis tout petit rêvais d'ours et d'aurore boréale. Bon c'était plus alcool et Marie-Jeanne. Ambiance rap, donc j'en place une pour mes gars du casse-crou. Le bon hip-hop et hal. À cette jolie marmotte j'en ai fait goûter des queues de castor. Du haut des gratte-ciels, le soleil se couche et qu'est-ce que j'adore. Me souvenir de ces partais, je partais avec mon gars Xavier. Je me rappelle dans les clubs chicos, les mojitos qu'on grappillait. Aussitôt je me rappelle aussi nos galères de toxico. Le taxi coûte cher, vu que la weed est aussi bonne. On avait pas de bif comme Philippe Al resté à Ripa. On s'est inscrit pour un clash, peux pas taffer tant qu'il n'arrive pas. Il est là quand il s'agit de ça, et tu connais les bails. Quand faut récolter les mailles, c'est toujours dur pour les gars qui rappent. Donc on a gratté le truc la veille du battle. On a perdu nos mots, et comme dirait Momo, on s'est fendu la gueule. Sois pas tendu, je bédave, c'est ce que c'est. 24 dans un appart, personne ne fais le ménage. La prochaine fois on freinera les excès, c'est promis. Et je big up le KCXC. Et homie, de Longueuil jusqu'au terrain de Montreuil. Mais qu'on chill, vision nette, mais je vois pas tout le monde d'un bon oeil. Les voisins gueulent, pas un seul d'entre eux ne s'exprime dans ma langue. Non pas qu'ils viennent d'ailleurs, leur voix sonne dans les murs de ma chambre. Va falloir se vider la tête, effriter, quitter la pièce, s'habiller et réfléchir à une procédure de vacances. Les voisins gueulent, pas un seul d'entre eux ne s'exprime dans ma langue. Non pas qu'ils viennent d'ailleurs, leur voix sonne dans les murs de ma chambre. Va falloir se vider la tête, effriter, quitter la pièce, s'habiller et réfléchir à une procédure de vacances.